marche le long de la route, le cœur léger, la vie au goutte à goutte. Non, non, faut pas se presser. Je regarde, j'écoute, le sens aux aguets. Je ne connais pas le doute, ni les regrets, et la vie coule, main. Y'a qu'à se laisser glisser, les pierres qui roulent, main. Non, pas de mousse amassée, et la vie coule, main. Au jour le jour, quand Babylone s'écroule, main. Je quitte le parcours. Je vis de l'air du temps, de pommiers en fontaine. Je fais rire les enfants, un peu magicienne. Libre comme le vent, je m'endors au pied d'un chêne. Éveillé par le soleil levant, je contemple mon domaine. Et la vie coule, main. Y'a qu'à se laisser glisser, les pierres qui roulent, main. Non, pas de mousse amassée, et la vie coule, main. Au jour le jour, quand Babylone s'écroule, main. Je quitte le parcours. Ça va doser. Ça va pas de va triga da do de. Je passe à travers bois. Je connais les périls. Le mois dernier, les rats ont envahi la ville. C'est Babylone qui se noie. Moi, je suis sur mon île. Je fais fi de vos lois. Je suis en exil. Et la vie coule, main. Y'a qu'à se laisser glisser, les pierres qui roulent, main. Non, pas de mousse amassée, et la vie coule, main. Au jour le jour, quand Babylone s'écroule, main. Je quitte le parcours. Le parcours.